Aucun visage ne me regarde. Et sur les quelques pièces que je glane, à la sortie des magasins, après l'office, le côté face aussi me donne le profil. Le soleil tombe avec les degrés, depuis ce matin je marche. Mais là mes pieds sont lasses, il faudrait que je pense à me poser. Que je me trouve un porche ou un coin tranquille, bien abrité. À l'écart des regards, la tolérance est souvent mal limitée. Parfois j'aimerais être invisible, tout comme ces fantômes. Et ne pas voir ces yeux qui me regardent pas comme on regarde un homme. Bonjour madame, n'ayez pas peur, non je ne suis pas dangereux. Je vous tiens la porte, c'est tout, c'est pas à votre sac que j'en veux. C'est qu'un bonjour, ça vous coûtera pas un euro. Allez, fouillez votre cœur, y'a peut-être encore quelques merci, je vous jure. C'est pas de ma faute, c'est tout le pays part en vrille. Je suis là par manque de chance, la vie a ses sombres héros comme une ombre au tableau. Je croise des routes sans jamais laisser de traces. S'il vous plaît, voyez-moi une fois avant que le vieux ne m'efface. Je sais que c'est dur car vous me percevez comme un peut-être. Alors c'est presque par instinct que vous tournez la tête. C'est vrai, je dors là où vos chiens ont leur chiotte. Je gêne les amoureux qui sur les bancs le soir se bécotent. Et si le vent parfois me force à squatter vos entrées, n'oubliez pas, même les vaincus ont droit au respect. Et si le dédain était armé, je serais mort mille fois comme ceux qu'on retrouve le matin gelé et mort de froid. Mais là c'est pire et ma présence ne choque même plus. Le temps défile et doucement je deviens une simple habitude. On ne me voit plus, je suis transparent, une habitude. Les regards glissent sur mes affaires entassées sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette, une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité, je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête. Vous êtes à l'écoute de Gang Desti, émission à la rue. C'est enfin le printemps, on est bien content de pouvoir à nouveau chiller dans les parcs et de se prendre des marches. Mais avec Gang Desti, on a décidé d'aller rencontrer des personnes pour qui c'est pas forcément un choix d'être dehors. On vient d'écouter la toune Habitude d'Ayam, qui est issue de leur dernier album Art Martien, sorti en 2013. Ayam, c'est un collectif de rap français, originaire de Marseille, créé en 1989. Il y a Akhenaton, Shuriken, Kéops, Imhotep et Kefren. Un truc à savoir, c'est qu'Habitude a été conçue en collaboration avec la Fondation Abbé Pierre. Fondation qui a pour mission la lutte contre le mal-logement et les phénomènes d'exclusion. Les rappeurs ont voulu attirer l'attention sur les êtres humains qu'on ne voit plus et rappeler leur droit à vivre dignement. C'est une toune qui s'inscrit dans la tradition du rap français engagé sur des thèmes sociopolitiques et permet d'ouvrir une fenêtre sur une réalité ignorée ou méprisée, un malaise persistant. C'est ce qui entame la nouvelle thématique de Gang Desti, le son de la rue, avec la même ambition de retracer la réalité de celles et ceux qu'on croise et aperçoit, mais qu'on n'entend que trop rarement. La parole est donnée à celles et ceux qui vivent la rue, qui y dorment, y travaillent, y passent nuit et jour et qui, d'une façon ou d'une autre, y ont trouvé un espace pour vivre, que ce soit volontaire ou non. On est allé rencontrer Sylvain et Magdalena, qui habitent ensemble dans le quartier Hochelaga. Présentement en appartement, Sylvain et Magdalena ont tous les deux, pour des raisons différentes, connu la vie de la rue. Ils nous comptent une partie de leur vécu et de leur réalité à ce moment-là. Bonne écoute! Ils n'aiment pas qu'est-ce qu'ils font, ils n'aiment pas pour qui ils travaillent, ils n'aiment pas le boss, rien de ça. Mais ils le font pour la cash. Puis combien de personnes font ça, tu sais? On ne pourra jamais changer la société si tout le monde travaille contre le cœur comme ça, tu sais. Si tu travailles pour ton cœur, comme tous ceux qui sont dans le communautaire, mettons, tout ça, mais tu sais, ils font vœu de pauvreté quelque part. Ils ne pourront jamais se mettre une scène de côté, tu sais. Et ils vont tout le temps être, tu sais, sur le bord, un pied dans la rue, là, tu sais, je veux dire, à quelque part, parce que, tu sais, qui peut les mettre dans la rue, une augmentation de loyer, un compte d'hydro, un compte de Bell, n'importe quoi, là, tu sais. C'est super précaire. Puis pour revenir à ton histoire, du coup, toi, t'avais plus les moyens de payer ton loyer. Ça que tu nous racontais, tu t'es fait exproprier par le propriétaire. Ben, j'avais pas les moyens. C'est pas que j'avais les moyens. Ils voulaient pas de moi, carrément. Y avait-tu une raison pour ça? Y en avait aucune. Mais c'est à cette époque-là aussi que moi, j'ai commencé à être plus près des gens de la rue, à vouloir m'impliquer, tu sais, à ce niveau-là, là, tu sais, tout ça. Parce que les gens de la rue m'avaient accroché à quelque part. Moi, j'arborisais beaucoup, je me promenais en vélo, je me promenais souvent dans des places nowhere, tu sais. Puis souvent, dans les places nowhere, c'est là que le monde va se mettre pour avoir la crise de paix, là, tu sais. Fait que de fil en aiguille, comme ça, tu sais, j'ai commencé à jaser avec eux autres. J'avais une bonne oreille, tout ça, tu sais. Puis ils m'ont, comme... choisi, plus que moi je les ai choisis, mais je me suis fait comme un gros cercle d'amis, tu sais, puis tout ça. Puis de fil en aiguille, vu que moi je faisais beaucoup S-Ouest en vélo, tu sais, j'allais jusqu'à, je sais pas, Pointe-Saint-Charles ou d'un fois plus loin, des trucs comme ça, puis j'allais aussi à l'Est pas mal, un terrain vague, puis tout ça. Fait que j'étais au courant aussi des ressources, j'ai commencé à prendre les trucs des ressources, puis aider, tu sais, souvent du nouveau monde qui arrive dans le t'sais. Parce que moi, des fois, quand il y a quelqu'un, un jeune qui arrivait, tu sais, puis il me disait, il dit, où je peux trouver de l'aide, des trucs comme ça, je dis, écoute, si tu veux, je te parle au gars de la rue, c'est le meilleur pour t'aider, c'est eux autres qui connaissent tout, là, tu sais, je veux dire. Parce qu'il me demandait des adresses de ressources, tout ça, je n'ai pas besoin, si tu veux savoir où aller manger, puis tout ça, n'importe quel gars de la rue, là, tu sais, il va vouloir t'aider, puis il va te dire, c'est lui, tu sais, je veux dire. Parce que le monde s'entraide à ce niveau-là, là, tu sais, parce que il n'y a pas une grosse solidarité. Ça serait utopique là, de dire ça, là, parce qu'il y en a, mais autant qu'ils se mangent la laine sur le dos les uns les autres. Là, bon, c'est dans n'importe quelle sphère de la société, tu retrouves l'humain finalement. Puis du coup, comment toi, est-ce que tu as été amené à vivre dans la rue? Ben c'est ça, moi quand ma fille est partie en appartement, là j'ai comme fait le bilan de mon budget, puis tout ça, puis j'ai regardé ça. Mm-hmm. Puis là je dis, je m'en vais juste en empire. Je veux en m'endettant, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai dit, bon, ben, je vais aller vivre dans la rue. J'ai mis tout mon stock en entrepôt, puis j'ai été vivre dans la rue. C'est sûr qu'il y a plein de monde dans ma famille qui n'ont pas aimé l'idée. Je veux dire, quand t'es dans la rue, c'est ça, t'es considéré comme un moins que rien. Hein, aux yeux des autres, là, t'es l'échelon le plus bas de la société, là, tu sais. Je veux dire, parce que t'es souvent même plus considéré quasiment comme un être humain, là, tu sais, je veux dire. Il y en a qui vont avoir de la sympathie pour toi, tu sais, ils vont dire, ah, oh, ben ouais, moi, je donne 30 sous à mon itinérant, tu sais. Comme, tu sais, je veux dire, c'est cette mentalité-là, là, tu sais, son itinérant, là, tu sais. C'est plus un être humain, là, c'est une chose, là, tu sais. Le propriétaire, il va rien savoir de toi, tu sais, des flics, tout le monde, tu sais. Même tes propres amis, souvent, tu sais, ils vont lever le nez, ils vont regarder ailleurs, ils vont faire semblant de pas te reconnaître parce que, tu sais, c'est des pipi caca, tu sais, je veux dire. Fait que, c'est un petit peu ça, là, tu sais. Puis, mais c'est une belle place pour vivre, tu sais, c'est une belle expérience, la rue, là, quand même. Puis, il y en a qui, tu sais, moi, je l'ai faite par choix, mais, tu sais. Mais même ce choix-là, tu sais, je veux dire, tous ceux qui sont dans la rue, là, tu sais, ils ont quelque chose en commun, ils ont tous comme un sentiment, quand même, de trahison, de déception vis-à-vis, tu sais, leur entourage, puis tout ça. Fait que, c'est ça. Puis c'est dangereux, la rue, tu sais, parce qu'à long terme, tu sais, je veux dire, l'isolement, puis tout ça, la solitude, tu sais, tout ça, c'est... Fait que tu développes... C'est sûr que déjà en partant, tu sais, t'as besoin d'aide, là, mentalement, là, je veux dire, puis... parce que déjà, là, tu sais, ta santé mentale, tu sais, je veux dire, t'aurais besoin d'appui, puis de trucs, puis ça va juste en s'empirant, ces choses-là. Là. Puis quand tu sors de la rue, mais tu sais, les années, là, que tu sais, t'as été scrappé, tu sais, descrapper tout ça... C'est long, là, je veux dire aussi. Là. Fait que moi, j'ai tout le temps comme aidé l'autre. Je me suis tout le temps occupé d'enfants, même avant que j'aie des enfants. Puis quand j'ai eu ma fille, puis après ça, quand ma fille est partie, je me sentais tellement inutile. C'est pour ça que j'ai aidé beaucoup de jeunes, puis de moins jeunes aussi. Là, ceux avec qui j'avais des affinités. Je ne pourrais pas après Robineux. J'étais sensible aussi, je veux dire. Ces années-là, ça a commencé comme dans le quartier, quand la prostitution s'est envenue dans le quartier dans Schlaga, là, t'sais. Nous, on la connaissait, la prostitution, mais c'était dans le centre-ville. Puis quand ça a commencé à s'en venir ici, ben là, ça a fait de la marde dans le quartier, cette histoire-là. Là, puis les parents, eux autres, ils n'en voulaient pas de pute à cause de ça. C'est à cause du client, là, finalement. Fait que ça, ça fait de la merde. Puis moi, j'étais sensible à ça, tu sais, parce que là, tout le monde voulait taper puis frapper, là, quasiment, ces filles-là, tu sais, qui méritaient pas ça. Eux autres, c'était pas vraiment de leur faute. Ils sont fait déloger du centre-ville, là, tu sais. C'est pas de leur faute, là, tu sais, je veux dire. De Ville-Marie, quand il y a eu la chasse aux sorcières? Ouais. OK. Ben, c'est ça, c'était là, tu sais. Puis là, moi, j'ai commencé à être plus proche, tu sais, de ce problème-là, puis de parler aux filles, tu sais, tout ça. T'sais, j'ai jamais consommé de prostitution de ma vie, là, tu sais, tout ça. Mais j'ai parlé souvent avec des filles, tu sais, qui faisaient la rue, des trucs comme ça, tu sais, je veux dire. Avec ceux avec qui j'avais des affinités toujours, tu sais. La fille, elle se souvient pas de ce que j'ai dit ou whatever, tu sais, je veux dire. En tout cas, j'aime quand le monde sont conscients quand on parle, tu sais. Mm. Moi, je voulais juste revenir un peu en arrière dans ce que tu disais, si ouais. Ça te dérange pas, par rapport à quand tu parlais de quand tu vivais dans la rue, tout ça, si tu pouvais comme expliquer à quoi ressemblait, mettons, ta vie, tu sais. Parce que quand on dit dans la rue, tu sais, on imagine que les gens, ils restent dans la rue, tu sais, mais comme... Je sais pas si tu peux donner plus de détails. Mais il y a différentes façons, tu sais, de vivre dans la rue. Tu sais, tu peux vivre avec les ressources parce que c'est une grande communauté, hein, la rue, à quelque part aussi. Puis même ceux qui sortent de la rue, souvent, ils sortent pas de la communauté pour autant parce que, tu sais, c'est leurs amis qui sont faits, tu sais, depuis des années, qui fréquentent. Puis il y en a qui, tu sais, qui continuent à fréquenter les ressources. Puis, écoute, ils ont un frigidaire, ils ont de la bouffe dedans, tout ça. Mais la vraie pauvreté, tu sais, à Montréal, puis partout dans les grandes villes, puis partout, tu sais, sa planète, c'est la solitude. Tu sais, fait que c'est ça la vraie pauvreté, tu sais, je veux dire, parce que moi, j'allais comme... je t'approche... Moi, je me suis toujours impliqué, tu sais, j'étais dans la rue, mais tu sais, j'allais quand même au garage à Renault, là, sa rue Hogan, puis au Chalaga, là, avant que... qui se fasse kicker out, là. Il a fait ça pendant, je pense, 8-10 ans. Les fins de semaine, j'allais là pour réparer des vélos, mettons, pour les gens du quartier, tu sais, tout ça. Fait que j'étais dans la rue, mais tu sais, j'allais là quand même. J'étais proche des Sœurs de la Charité, tu sais. Je réparais même le vélo, puis je veux dire, on buffait là. Puis à un moment donné, il y en a un qui part, puis qui fait la vaisselle, puis tu sais, qui s'implique, puis des trucs comme ça. Ça, c'est le fun aussi, tu sais. Mais ça, c'est le côté, tu sais, quand même, c'est comme une société, mais dans la rue, là, à quelque part. Puis t'as la rue, t'as ceux qui vont pas dans les ressources. Moi, j'ai jamais été dormir dans aucune ressource, là, tu sais. Je voulais pas, ça m'intéressait pas, là, tu sais. Il est trop fier. Non, je suis pas trop fier, c'est juste que je suis quelqu'un qui fonctionne plus tout seul, puis moi... Je me méfie tellement de l'autre, là, tu sais. Puis j'ai entendu toutes sortes d'histoires aussi, là, tu sais, je veux dire. Fait que... Mais non, moi, je suis pas attiré par ça. Il y a tellement de beaux coins à Montréal. Tu t'installes, tu trouves un spot. Moi, mon spot où je dormais, là, quand il pleuvait pas, là, c'était... J'allais jusqu'à Atwater en vélo, puis c'était l'église des Saint-Franciscains qui a brûlé, là. Mais je couchais en arrière de ça, puis j'étais comme en campagne, là, tu sais. C'était génial, avec les ratons laveurs, puis les moufettes, puis tout ça. Puis j'étais tout seul, là, tu sais, à part... Il y avait une gang d'Inuits, là, tu sais, qui venaient comme se saouler, là, puis péter le bouteille, puis se battre, puis tout ça. Là. Mais ils m'ont jamais dérangé, ils m'ont toujours respecté, tu sais. Puis moi, le lendemain, je ramassais des cochonneries, t'sais. On peut se garder le spot, là, tu sais, sans se faire exproprier, là. Fait que c'est ça. J'avais une autre place dans ce coin-là, tu sais, quand il pleuvait, plus. Là, un condo en construction, là, puis c'était bon, je dormais sur le balcon. J'étais tout comme aménagé, là, mes coussins stachés, tu sais, tout ça, là. Puis l'hiver, tu faisais comment? Ben l'hiver, c'est ça. Je dormais là quand même, okay. Tu sais. Mais je veux dire, l'hiver, tu sais, quand arrivait Noël, puis là, Noël, j'avais de la famille quand même. J'allais voir à Montréal, tu sais. J'allais voir ma soeur, tout ça, puis les autres. Ben, tu sais, je veux dire, c'était le drame, là, tu sais. Sylvain, tu t'en vas pas coucher dehors, nanana, tu sais, tout ça. Reste, tu sais, tout ça. Fait que je restais un peu, tu sais, dans la famille, puis avec mes neveux. C'était quand même mes neveux, tu sais, j'étais là, leur oncle, tu sais, les autres m'aimaient bien, puis, tu sais, mais j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment mieux dehors, tu sais. Fait que je restais pas longtemps dans la maison, tu sais. Puis après ça, je retournais, tu sais, comme d'habitude, là, tu sais. Est-ce que tu consommais? Non, moi, moi c'était vraiment prendre une coupe de bière, là, parce que pour dormir dehors, d'un fois, tout ça, là, c'est mieux de prendre une coupe de bière, tu sais, avant de dormir, là, d'un fois, c'est mieux. Fait que c'est ça. Non, on fumait mon joint, là, prendre ma bière, là, pas plus. Je voulais parler. Magdalena veut parler. À la tonne. Ah ouais, hein. Full bain. Tu consommais quoi? Je suis de l'ecstasy, de la cocaïne, un peu de tout. Comment tu t'es retrouvée à la rue, toi, Magdalena? Quand j'avais 14 ans, mes hormones ont fait quelque chose de bizarre en moi. J'avais besoin de partir, de voir plus de trucs, de vivre des choses, de tomber en amour. J'ai fugué pour le sexe. Je fuguais quand j'étais tellement en manque que me masturber suffisait pas. Puis t'habitais où quand tu, dans le sens tu fuguais de où? Des Saint-Jeunesse. Ah ouais. Mais j'aime ça d'une certaine manière. De quelle manière? Parce que les gens voulaient là. Parce que quand t'es dans la rue, tu sais, je veux dire, puis tu veux. T'es voué, tu sais, tu dis, OK, je t'en ai, là, tu sais, on t'écœurise. Des bouts, c'est long, tu sais, je veux dire, des bouts, tu te fais chier, là, parce que, tu sais, c'est pas facile, là. Fait que, tu vis tout le temps de l'injustice, tout le temps, tu fais tout le temps que, tu sais, par kicker par des flics, là, à un moment donné, ou whatever, là, ça finit plus. Plus les fameux étiquettes, là, tu sais, j'ai encore toutes ces étiquettes-là. C'est un peu nouveau d'étiquette, un peu, là. Ouais, ben c'est ça, l'étiquette, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, je veux dire, le gars, il sait que t'es dans la rue, là, tu sais, puis ici, il te voit passer sur une lumière rouge, là, à 2h du matin, mettons, là, puis il n'y a pas un chat dans la rue, là, tu sais. Pourquoi il te donnerait une étiquette, là, tu sais, je veux dire, ou tu roules sur le trottoir quand il n'y a pas un chat, là, tu sais, tu roules pas malade, whatever. Moi, j'étais le temps en bicycle, je dis ça pour ça, là, tu sais. Toutes sortes de trucs comme ça, à un moment donné, je vais te conter une histoire, là, tu prends une envie, tu sais, tu vas aller aux toilettes, fuck, t'as envie de chier, là, t'sais, hein. Fait que là, moi, à un moment donné, je dis, fuck, il y a une toilette chimique, là, il y a un truc en construction, je m'en vais là, tu sais, là, je rentre dans la toilette chimique, mais il y a des jeunes qui l'ont reviré à l'envers, puis l'ont reviré à l'endroit, t'sais. Fait que t'imagines, tu sais, que ça a de l'air, tu dis, fuck, si bon, ben là, la prochaine toilette, parce que c'est dur d'aller des fois aux toilettes, tu sais, parce que, tu sais, souvent, ils veulent pas te laisser rentrer, puis tu te plains de trucs comme ça. Parce que d'un fois, tu pues, hein, ça fait un mois, tu t'es pas lavé, là, quand même, tu sais, je veux dire, ou, tu sais, quand tu te laves, là, dans le canal de la Chine, ou, tu sais, je veux dire, dans le parc Vigé, ou, tu sais, où j'allais sauter au quai du Vieux-Port, là, le quai de l'horloge, sautant dans l'eau en bas, où ils ont fait une plage, à ce temps, hein. Mais moi, je me baignais, là, tu sais, avant. Fait que, puis c'est moi je me lavais comme ça souvent ou mais enfin fait que là tu t'assis là tu sais pour tenir l'envie puis là les flics arrivent. Fait que, lève-toi de bout. Là ils te mettent les manottes tu sais je veux dire parce que là t'es accusé comme de flâner ou whatever. Là ils commencent à mettre des mains leurs mains dans tes poches pis, à prendre tous les trucs dans les poches puis les jeter à terre tu sais puis tout ça. Puis là, jusqu'à temps qu'il pogne ta carte, puis là, il check. OK, OK, bon, il t'enlève les menottes, puis il s'en va. Toutes tes notes, toutes tes affaires à terre, tu sais, tout ça, tu sais. Puis là, ils disent de pas rester là, tu sais. Puis, tu sais, ça comme tu sais, c'est tout le temps de l'injustice, comme ça. Tout le temps, tu sais. C'est incroyable, tu sais. Puis moi, j'ai comme 150$ ou 140$ pour acheter un botch à terre, tu sais, tout ça. Faut dire, je l'avais envoyé se promener un peu, mais là, tu sais, il voulait se venger d'une façon de moi, ouais. Parce que moi, j'avais tout le temps les bons arguments. T'sais. On vit l'hiver, gelé par la honte, le froid et l'été, l'indifférence des passants nous fait de l'ombre. Sur un trottoir, un banc dérange, chacun s'accroît à une pièce, de l'eau courante, un trésor qu'on ne trouve pas. Le soir, on marche en petit groupe, livré à nous-mêmes. Rien qui nous retient ici, ni maison, ni repère, nos souvenirs, nos joies. Dans des sacs poubelles, on brave le quotidien et voit nos espoirs à la baisse. On fuit la loi et l'ordre qui nous chassent parce qu'on n'a plus de sous. Ils ont saisi ma dignité avec mes biens un jour. Depuis je vous regarde, faire semblant de ne pas me voir et ça me marque. Plus que le temps a tué, sur le goudron une tache dans ce parc. Vos noms dits qui en disent, l'ombre me rattrape. Et parmi nous beaucoup se résignent. Face au mépris, le signe pour une idylle avec une bouteille vide. On juge pas, on a tous une histoire, je vous le souhaite pas. Je pourrais être vous, vous pourriez être moi. Alors je rêve devant les vitrines, tant pis si c'est pour de faux. Je sais que la rue ne fait pas de cadeaux. Et pour sortir de la rue, c'est pas évident parce que, tu sais, je veux dire, premièrement, tu sais, je veux dire, t'es dans la rue, puis ça paraît. Tu sais que t'es dans la rue? Fait que les propriétaires, ils veulent pas te louer. Ils veulent carrément pas te louer, là. Puis c'était, tu sais, j'ai squatté des appartements. Tu sais, à un moment donné, je squatte un appartement, ça fait une semaine que je vis dedans, je dis, wow, ben écoute, ça répond à mes besoins, je trippe, je veux l'appartement. Et t'as loué, tu sais. Fait que moi, j'avais comme checké à la porte, puis tu sais, je vivais dedans depuis, tu sais, j'ai squatté bien des condos en construction, puis des trucs comme ça, tu sais. Je me suis loué un garage à un moment donné, à 140$, puis mettre un char, là, puis je vivais là-dedans, là, tu sais. J'ouvrais la porte de garage, là, tu sais, le soir, je rentrais, mes chats me suivaient, on entrait, on fermait la porte, là, tu sais. Fait que j'ai vécu plein de trucs comme ça, tu sais. Ça serait toujours l'été, ça serait cool. On pourrait, tu sais, vivre dans des bateaux, comme, tu sais, dans d'autres pays. Tu sais, il y en a qui vivent accrochés, là, dans chaloupe ou whatever, tu sais. J'ai déjà dormi dans une chaloupe même, tu sais, je veux dire, comme ça. Mais, enfin. Fait que c'est super dur, tu sais, de se trouver quelque chose. Il y en a qui me disent, coupe-toi la barbe, coupe-toi les cheveux, tu sais. Ben oui, je vais m'habiller comme un clown, tu sais, parce que je veux un logement, tu sais. Puis, non, je suis comme ça, tu sais, je veux dire. Tu sais, on juge pas un livre par sa couverture, tu sais. Puis, parce que souvent, j'appelais au téléphone, je dis, ouais, j'appelle, puis là, ah oui, monsieur, oui, monsieur Sylvain, oui, pas de problème, OK, 4h30, tu sais, tout ça. Là, j'arrivais là. Oh non, vous rentrez pas ici. Oh non. Puis, tu sais, là, non, je sentais pas, là, tu sais, le gars qui a fait un mois qui s'est pas lavé, tout ça. Non, tu sais, je veux dire, carrément, parce que là, elle voulait pas de barbu, là, tu sais, puis tout ça, j'avais pas le profil du locataire, là, tu sais. Fait que c'est de l'argent, tu sais, je veux dire qu'il y a les autres qui regardent, ou qu'est-ce que, si tu transpires l'argent, whatever. Fait que tout le monde, faut qu'il compte des menteries. Tout le monde, faut qu'il se déguise pour avoir un logement, tu sais. Faut qu'on s'habille selon le critère, tu sais. Je veux dire, eux, les propriétaires, voudraient qu'on vive selon le critère. Oh, faut pas être d'enfant, faut pas être d'animaux, faut pas que tu fumes, faut pas que tu peintures ça en une couleur, faut pas que, tu sais. Faut que tu payes le loyer, mais faut pas que tu sois dans le logement. On encourage les pieds à terre, tu sais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, s'ils sont pas conscients. Ce gars-là, il vient juste une fois par mois, là, tu sais, je veux dire, dans Schlag, il vit, mettons, à Saint-Bruno. Puis c'est lui qui choisit qui va vivre dans la rue, là, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, sur la rue, là, tu sais. Pas dans la rue, mais sur la rue, tu sais. Ouais. Je veux dire, ça fait que, écoute, tu sais, même si ton oncle reste là, ta tante reste là, puis tous tes chums restent là, puis t'es connu, puis t'es aimé, tout ça, c'est le propriétaire qui a le dernier mot. Mm-hmm. C'est ridicule, tu sais. Et comment t'as finalement réussi à... Ben, moi, j'ai commencé, à un moment donné, c'est des bouddhistes. J'ai la première chambre, je me trouvais une chambre, tu sais, chez des bouddhistes, là. Parce que les autres, les bouddhistes, genre Partenay puis Ontario, ils louaient juste à des étudiants étrangers parce que sont moins sur le party que les Québécois. Puis moi, j'avais déjà travaillé à un endroit, tu sais, tout ça, puis j'avais déjà été aide de laboratoire à l'INES, Énergie, je pense, à Sainte-Julie. C'est dans une petite compagnie de sciences, là. En tout cas, ça ferait un petit bout. Puis lui, il travaillait là à l'INRS. Il savait qui j'étais, il m'avait déjà vu. Fait qu'il me dit, OK, il dit, tu peux en prendre une chambre, c'était pas cher, tout ça. Puis je vivais avec un étudiant. Puis après ça, je suis parti vivre avec une gang là, qui vivait sur Ontario. Là, une gang qui fréquentait l'Horizon, puis toutes ces affaires-là à l'époque. Là. Après ça, je me suis pogné une chambre, j'ai vécu avec un Mexicain, puis on s'est fait chier bien raide. Puis après ça, j'ai pogné un petit logement à côté. C'est graduel. C'était très long. Avant que je sorte mon stock d'entrepôt, parce que tout mon stock ces années-là était dans l'entrepôt. Là. Mm-hmm. Fait que si je voulais changer de linge ou whatever, j'allais dans l'entrepôt, tu sais. Puis c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, parce qu'il y a bien du monde qui vit dans des entrepôts comme ça, hein, qui vont manger. Mettons qu'ils vont dormir à la maison du père, ils vont manger à l'OBM, puis entre ça, ils s'en vont dans leur entrepôt, puis là, ben ils gossent dans leurs affaires. L'autre, il est musicien, il va jouer de la guitare là. L'autre, il s'est installé une télé, système de son, divan, puis le kit avec des écouteurs, personne ne le sait. Il est dans son salon toute l'après-midi, tu sais, tout ça. Mais t'es pas chez vous, tu sais. Il y avait une fille qui avait 4 entrepôts, je pense. Donc, rempli de stock, des antiquités, puis tout ça, puis elle dormait à l'OBM. Mm. Tout son argent en dette pour payer ces trucs. Mm. Fait que, tu sais, je veux dire, à quelque part, elle, c'était. Tu sais, je veux pas. Elle a peut-être le syndrome de Diogène qu'elle appelle, là. J'ai jamais compris pourquoi ils appelaient ça le syndrome de Diogène. Diogène, il vivait dans une urne, mais enfin. C'est quoi le syndrome? Le Diogène, c'est quand tu t'amasses plus que nécessaire, puis tu vis dans un fouillis. Tu ramasses à l'infini, tu sais, le monde a des pièces pleines de trucs. Puis... Mm-hmm. Mais toi, tu peux-tu parler un peu de Magdalena, comment ça se passait dans la rue, puis comment t'en es sorti, comment tu te débrouillais? Ben, ça se passait. C'était surtout du avec des hommes que je connaissais pas. Je sortais dans les bars, me faisais payer des bars, puis je sautais un homme. Okay. Puis comment que vous vous êtes rencontrés, dans le fond? Ben moi, que j'ai rencontré Magdalena comme je rencontre tout le monde, tu sais. Tout le monde que je connais, je veux dire que... Tu sais, je veux dire, les gens que tu rencontres, c'est dans des milieux de travail, je veux dire, c'est à l'université, à l'école, des trucs comme ça, ou dans, mettons, un milieu communautaire. Mais sinon, le reste du temps, tu sais, quand t'es toujours dans la rue, tout le monde que tu rencontres, tu sais, tout le monde t'a rencontré dans la rue, même si c'est pas des personnes qui sont dans la rue, eux autres même, mais moi, tout le monde, depuis, je sais pas trop, 15 ans que je rencontre, je les rencontre tous dans la rue, tu sais. Fait que, évidemment, Magdalena, j'ai rencontré dans la rue. Puis, c'est ça, ça m'a tenté de m'impliquer, tu sais, c'est ça, j'avais aidé un ami qui vivait dans un fond de... dans un container. J'avais donné l'idée à un ami de vivre dans un container, puis il a vécu dedans, tu sais, tout ça. Puis là, mais il était écœuré du trip, là, tu sais, tout ça. C'est un bonhomme assez rock'n'roll. J'ai trouvé une maison, tu sais, comme en campagne. Puis depuis ce temps-là, mais lui, il s'est trouvé un autre... Il s'est acheté une terre, là, puis une maison dans ce coin-là. Fait que... Puis après ça, quand lui est parti, ben, j'ai dit, bon, ben, OK, tu sais, je veux dire, j'ai aidé quelqu'un, je suis content, tu sais, à quelque part, tu sais... C'est devenu un ami, tout ça. Puis là, ben, Magdalena, je dis, bon, ben, je veux, à cette heure, ça va me faire des vacances, un petit peu de m'occuper de Magdalena. Mais non, c'était loin d'être des vacances, t'sais. L'autre, je l'appelais Sexy, puis elle, c'est Sexy numéro 2. Fait que, justement, il était ici, il est venu en ville, Sexy. Fait que c'est un monsieur qui est alcoolique, puis tout, là. Fait que c'est pas toujours facile. J'ai toujours, comme souvent, hébergé du monde, tu sais, des trucs comme ça. Des jeunes, des moins jeunes, des gars, des filles, puis... C'est ça. Toi, Magdalena, tu fais des gestes, mais tu veux-tu dire quelque chose? Oui. Il est super. Pour parler. C'est un bon orateur. Ah ouais, ben merci beaucoup. Ouais. C'est correct. Puis ah, en ce moment, mettons... Comment ça se passe pour vous dans le quartier? Dans le quartier, je veux dire, c'est sûr que, tu sais, il y en a qui vont nous juger toujours. On continue d'être jugé puis d'être considéré souvent comme un gars de la rue, tu sais, parce que j'ai pas vraiment changé de look, tu sais, je veux dire, j'ai encore une barbe puis, tu sais, tout ça. J'ai de l'air peut-être un petit peu moins sale, là, mais tu sais, je veux dire, je m'en fous. Moi, je me calisse pas mal de qu'est-ce qu'ils pensent, tu sais, tout ça. Fait que dans le schlag, tu sais, je sais pas. Moi, ça fait. Je suis arrivé dans le coin, ça fait 25 ans de ça, là, tu sais. Puis j'ai vu ça évoluer. Fait que c'est sûr que ça a changé, mais tu sais. Elle devait être ici à 11 ans. T'as-tu pris de la drogue, là? Non! Vous allez en prendre un petit peu. Non, on n'en prend plus de temps. Elle est tombée dedans quand elle était petite. Ouais, mais c'est ça. Il reste tellement à faire, hein, je veux dire. Le problème là, de tout le monde dans la rue et tout ça, c'est souvent comme des jeunes comme elle. C'est les enfants là, des centres de jeunesse, là, puis en tout cas, toute la DPJ puis tout ça. Là. Moi, je suis pas un pro dans toutes ces affaires-là, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a trop de jeunes, on s'occupe plus des jeunes assez. Puis ces jeunes-là, mais c'est eux autres qui vont être plus tard, là, tu sais, à l'accueil Bonneau, à la maison du père, et qui vont être dans la rue, qui vont être dans la prostitution, qui vont, tu sais, je veux dire, ça donne à rien de faire mille et une ressources si on s'occupe pas des jeunes. C'est ça, le problème, c'est faut s'occuper des jeunes, parce que si on fait mille et une ressources, on s'occupe pas des jeunes, ça va toujours prendre de plus en plus de ressources, tu sais, pour le monde dans la rue. Comme les gens de ma génération, moi j'ai 50, là, 51, puis tu sais, je veux dire, moi je suis quelqu'un qui je suis quelqu'un, ouais, on est tous quelqu'un, là, mais c'est je viens de la Miséricorde, là, t'sais. La Miséricorde, c'est les anciennes cliniques d'avortement. Fait que avant c'était les filles mères qui allaient accoucher là, t'sais, c'est les sœurs, c'était honteux, là, t'sais, enceinte, puis fait que ils allaient accoucher là, t'sais. Puis ça, la Miséricorde, c'était à côté de la maison du père, tu sais, à l'époque. Là. Où ce que physiquement elle est présentement. Fait que ça serait le fun d'aller voir la maison du père, puis voir combien de monde qui sont à la maison du père, qui viennent de la Miséricorde juste à côté. Là, tu sais. C'est déjà là, c'était des orphelins en partant. Là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire. Puis encore, le problème avec les jeunes générations, c'est la même chose. Il y a combien de jeunes, tu sais, qui viennent de familles éclatées comme ça, puis tout ça, qui sont là dans la rue, là, tu sais, puis que ils rentrent pas dans le moule souvent. Là, tu sais, on leur propose une affaire square, tout ça. Bon, fais ça, tu vas voir, puis tu sais, il y avait des émissions, une émission de télé, à un moment donné, il pogne un gars dans la rue, il te le rase, te le quitte, il paye un bon lunch, te le quitte, tu sais, je veux dire, bon, ben, il présente un, là, tu sais, des opportunités, une claque dans le dos, et voilà, nous avons sauvé quelqu'un, tu sais. Mm. Là, tout le monde applaudit à télé, tu sais, puis tout le kit, puis, tu sais, moi, je le vois, deux semaines après, le gars, la barbe, il a repoussé, tu sais, puis il est encore dans la rue, assis dans le Vieux-Montréal, à la même place, tu sais, je veux dire. C'est vrai qu'ils ont choisi un beau bonhomme, tu sais, qui avait, tu sais, qui a un cou coupé, il avait l'air quasiment d'un acteur, tu sais, puis tout ça. Oui, mais c'était juste pour le programme. Dans le fond, il n'aidait pas vraiment le monde. Eux autres, c'est juste de la poudre aux yeux, tu sais. Ouais, il y a trop de poudre aux yeux comme ça. Il y a pas, en tout cas, il y a tellement à faire. Il y a du monde qui sont, tu sais, comme Diane, là, qui est dans la rue, là, tu sais, qui vit, puis qui couche des fois dans le terrain vague à l'autre bout, puis, tu sais, qui repente, tu sais, tout ça, tu sais, je veux dire, qui s'est enfermée en dedans d'elle-même de plus en plus. Elle jouait de la guitare, elle chantait, tu sais, elle est artiste, tu sais, elle fait de l'artisanat, puis toute l'équipe, mais là, elle fait juste comme se promener dans la rue, sa vie est scrap, puis elle sortira jamais de ça, là, elle est trop rentrée en dedans de sa tête. Fait que, tu sais, elle, tu sais, donne-y un endroit où qu'elle peut s'exprimer, puis qu'elle peut vivre, puis tout ça, tu sais. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer, mais tu sais, c'est rendu souvent incohérent qu'est-ce ouais, qu'elle dit. Ouais, tu peux sentir ça. Quelqu'un de la rue, mais tu peux pas forcément sentir la rue de la personne. Non, c'est ça, parce que ça se capte, la rue, tu sais. C'est qu'il y a personne, hein, qui est à l'abri de tomber dans la rue. Ça, c'est des expressions que j'aime pas non plus. Il y a personne qui est à l'abri de ça, tu sais, je veux dire, fait que pour ceux qui jugent ce monde-là, tu sais, ils ne devraient pas, parce qu'ils ne sont pas à l'abri de ça, tu sais. Adam Levin tombera jamais dans la rue. Oui, même ton chanteur préféré, il peut tomber dans la rue. J'essaie d'être fort même dans le caniveau. Je ne suis qu'une statue de chair parmi vous. Et à la fin, j'aurai joué mon rôle jusqu'au bout. Mais les spectateurs m'ont fait défaut. On ne me voit plus, je suis transparent. Une habitude, les regards glissent sur mes affaires entassées sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette. Une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité. Je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête. On ne me voit plus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec Gang d'Esti. On était en entretien avec Sylvain et Magdalena. On a écouté la toune Habitude d'Ayam, qui était une proposition de Sylvain pour illustrer leurs propos. Et on se revoit dans 3 semaines sur En Profondeur. Bye bye!